poussière danse sous le soleil brisé. Chaque souffle porte un nom effacé. Rider's Kill marche, silhouette d'acier. Dans un monde où même le temps s'est figé. Les planches grincent sous mes bottes usées. Le whisky brûle, la nuit s'est levée. Un chant d'harmonica m'accompagne encore. Un souffle rock, l'âme crie plus fort. Les cowboys tombent, poussière et sang. Le désert hurle son blues violent. Chaque note au sax perce la nuit. Chaque souffle tarmo retient la vie. S'éteint dans un vieux saloon. Le bois craque au rythme de la lune. Le sac gémit comme une prière. L'armeau géant enfant la lumière. Les ombres chantent le blues des morts. Les vents du désert frappent plus fort. Chaque souffle grave, chaque accord noir écrit au sable notre mémoire. Far West sombre, mais l'âme survit. Chaque homme perdu laisse un cri. Rider's Kill marche dur et brûlant, son nom gravé dans le vent. Yeah.